Thank you.

Et c'est bien deux accords.

C'est pas avec ça qu'on va faire le nouveau morceau de téléphone. Avec du 7.